Vas-y. Eh gros, tu connais Abby? Eh oui, je connais bien. Tu connais Abby? Ouais, je le connais bien, ce nègre. Vraiment? Ouais. Vraiment? Ouais. Ah, moi je te dis, tu le connais pas assez. Hein. Ah ouais, tu crois? Ah, moi je te dis, tu le connais pas assez. Ouais, C'est bah tu pourquoi? que... Putain, j'ai entendu un son. Ouais, Ah, il est lequel? lourd. Hein. Le plaisante? Le Ken? Le Tu me dis plaisante? le Ken? Bah, normal, on est dans un quartier là-haut. Eh oui, c'est Il le fait quoi? Il plaisante, fait mon quoi? Dis-moi, sexy. il fait quoi? Il fait que Bah, représenter, eh non? ouais, que le plaisanter, Bah mon aigre. voilà, bah voilà. Ah ouais, c'est C'est ça, ça, c'est quoi. ça, c'est Ah, ça c'est qu'on a. ça. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Ouais, c'est quoi? Je Ouais. vais te le faire écouter. Ouais. Franchement, tu me Ouais. dis ce que t'en penses après. À la Ouais. fin, ok? Ouais, Vas-y, vas-y. OP. OP, Bah, c'est OP. On parti. fait comme ça, C'est vas-y. qui? C'est Abby. C'est qui? Abby. C'est qui? Abby. Voilà, c'est ça. Aïe! C'est Abby, Abby, hein! Abby, Vous attendez ça depuis Abby, longtemps, bande Abby, Abby, d'enfoirés! Et représente, cousin! Je représente tous les négus de mon ghetto. Je représente tous les rebeux de mon ghetto. Je représente, car c'est ce que je fais de mieux. Je représente, je représente, je représente tous les médias de mon ghetto. Je représente tous les rebeux de mon ghetto. Je représente, car c'est ce que je fais de mieux. Je représente, je représente. Apparemment ici c'est réussir ou mourir. Bah moi je perds du bien autour de moi et ça avant de partir. À ce qui paraît elle-même, donc si je la quitte, je vais la faire souffrir. Même si tu veux prendre ma place, tu peux toujours courir. Moi je suis un jeune débordant de motivation qui n'attend plus que les bons plans à passer à l'action. À ce qui paraît mon gars, tu n'aimes pas ce que je fais. Arrête de plaisanter, prends un verre et chin chin à ma santé. Cette envie de réussir, dis-moi ce que vous la sentez. Sache que Abby est là juste pour représenter. Je sais t'as remarqué que j'avais beaucoup de volonté. Comment un Mikey se dirait, oh oui volonté. Avoue qu'Abby il est bon, à ton pack, je te dis que c'est bon. Tu parles trop, je te casse des dents. Tu parles mal, je te rentre dedans. Dans toutes les circonstances, je reste toujours élégant. Je vais faire de la boucherie des MC, donc je mets le casque élégant. Je représente tous les négus de mon ghetto. Je représente tous les rebeux de mon ghetto. Je représente, car c'est ce que je fais de mieux. Je représente, je représente, je représente tous les médias de mon ghetto. Je représente tous les rebeux de mon ghetto. Je représente, car c'est ce que je fais de mieux. Je représente, je représente. Toujours Anne, quand ça va mal, les gens me disent Abby, tu n'es pas normal. C'est parce que du micro mon gars, j'ai trop la dalle. Alors vas-y donne-moi, avant que je pète un scandale. Mais toi et ton mec, toi et moi c'est déjà terminé. C'est pas les juifs mais les fachos qu'il faut exterminer. Non monsieur l'inspecteur, je n'ai pas commis de méfaits. Un bon zarma t'a percé. Allez vas-y mes fesses. Ouais je suis un bamboula. Et si c'est la jungle, bah j'en suis le roi. Ok c'est la chasse, bah t'en seras la proie. Je connais trop de gars qui en veulent à ma voix. Qu'ils continuent à rager, ça leur fait plaisir ma voix. J'ai mal à la tête, tellement les haineux me font rire. Ma vie c'est pas trop ça, j'aimerais tellement l'embellir. Hein. Abby représente Nancy, un sigle 97 City. Hein. C'est toi Abby. Je représente tous les négus de mon ghetto. Je représente tous les rebeux de mon ghetto. Je représente, car c'est ce que je fais de mieux. Je représente, je représente, je représente tous les médias de mon ghetto. Je représente tous les rebeux de mon ghetto. Je représente, car c'est ce que je fais de mieux. Je représente, je représente.